C'est fini jusqu'au fin des mondes dans ton regard. Je me suis trouvé immonde sur mon siège. J'ai essayé de disparaître. Je me suis plié pour ne plus me reconnaître. Dans ton regard, je me trouvais immonde. Il y avait aussi tes impatiences agacées et tes mots durs qui toujours grondent. Je me sens si petit que parfois je disparais. C'est fini jusqu'à la fin des mondes, ces maladeurs au fond de ton cœur qui me bouleversent. C'est de toi que j'ai honte, tellement honte. Je te croyais aimante, mais tu n'aimes.